mytho, fuck, c'est hypocrite. Fuck, c'est mytho qui s'invente des vies utopiques. Crari, t'as du bif, crari, t'as du baisse. Crari, t'as des bitches, crari, rien que tu baisses. Ça y est, mille j'aime, tu crois que la vie c'est un star, comme c'est bizarre. En vrai, tu perds confiance pour un star sur le visage. Putain de merde, mec, j'ai accablé. Pourquoi faire, mec, si t'as pas de blé. Zéro, des zéros, des zéros sur la compte. Putain, mais putain de merde, qu'est-ce que tu me racontes? T'as même pas honte, t'as même pas honte. Faut que tu dégoûtes mes frères, j'suis avec mes reufs et on est dans Sky, tard dans la night, j'vois un herbe et bouteille de Sprite. Ça y est, dans le building, j'suis avec mes nerfs. Stick chargé, bouteille chargée, ça y est, j'suis dans le ciel. Ah, qu'est-ce tu fais? Ah, qu'est-ce tu fais? Aïe, carré, nouvelle cour, ça y est, ça y est. Ces acteurs et les vies qui s'inventent, c'est même pas leurs vêtements, ils mentent et ils s'en vantent. Crari, t'es dans le carré, crari, tu rentres partout, mais rends la caisse et paye la figurante. Faut faire tomber tous les masques de ceux qui dirigent toutes les masses. Tu rêves de grosses en voiture décapotable. L'argent, les femmes tiennent ta morale en otage. Trop tard, putain de merde, mec, tu trop fonce car. Rejoins Derbert jusqu'au ton car. Peu d'heures de sommeil, réveil au boulot. Sirop est caché, bouteille au couloir. Va fan coulo, sous les dettes, sous les par le manque de sous-dettes sous l'eau. Personne dans le futur, reste dans l'air du temps. Y'en a qui vendent du rêve, y'en a qui rêvent du vent. Ça y est, dans le building,